Une remarque très courte, ça me fait penser à tes travaux sur Minamata. Donc Minamata, cette usine qui rejette du mercure dans une mer intérieure dans le sud du Japon entre les années 30 et les années 60 et qui entraîne des dizaines de milliers de morts et de blessés dans des maladies particulièrement affreuses. Parce que, en gros, dans ces travaux-là, tu montres à la fois l'horreur de la chose, comment on pouvait savoir, voire on savait. Il y a des dates où on sait, où des gens savent, mais ne le disent pas. Il y a des pressions pour ne pas le dire. Les gens continuent de pêcher, on refuse de dire que c'est l'usine, on continue à mettre le mercure, etc. Et en même temps, tu t'intéresses dans ton travail à cet ouvrier, ce pêcheur, qui s'était engagé très très fort, qui s'est engagé très fort dans la lutte contre l'usine, qui est le fer de lance de la mobilisation. Et puis à un moment dans les années 80, à un épisode où il a l'impression de devenir fou, peut-être qu'il faut qu'il a l'impression qu'il faut se faire interner, il passe par l'hôpital psychiatrique. Ah oui, le bord du suicide. Voilà. Et après, il se dit, en fait, maintenant je comprends une chose, c'est que peut-être que si j'avais été ouvrier, j'aurais fait partie des gens qui auraient ouvert la vanne pour rejeter le mercure. Et ce qu'il veut après, c'est il ne veut plus recevoir juste une réparation financière, ça ne l'intéresse pas. Il veut parler avec les ouvriers de l'usine et leur expliquer son point de vue et savoir quel est leur point de vue. Ce qui est à la fois, c'est être, comprendre, à la fois dire qu'il y a une responsabilité, dire que c'est une catastrophe, dire qu'il y a des morts et dire que c'est un scandale, et en même temps comprendre aussi les gens qui peuvent être pris dans ces contradictions. C'est pour ça aussi, nous, quand on est à travailler là-dessus en séminaire, sur les contradictions, quand l'ouvrier est dans quelque chose de polluant et il pollue l'extérieur, mais il pollue aussi sa propre famille, il se pollue lui-même, etc. Et mais c'est soit le travail, soit la pollution, Et puis, il faut faire des arbitrages. Non, mais juste, il y avait une question, mais juste, c'est la dimension que tu fais venir en introduction, c'est la distinction entre une réparation et une reconnaissance symbolique. Et je pense que longtemps, on est resté sur la question des atteintes à la santé, sur une dynamique de réparation. Enfin, on est resté. Je veux dire, la logique était d'appréhender, y compris sociologiquement, les atteintes à la santé par la réparation. Et en fait, on passait à côté de ce qui pouvait être, me semble-t-il, une demande, y compris des intéressés eux-mêmes, qui est une demande de reconnaissance, y compris de reconnaissance symbolique des conditions de travail ou des conditions d'atteinte à la santé. Et il me semble que dans cette distinction que tu pointais, que tu empruntais à Laura Chente, il y a cette question-là de la reconnaissance symbolique de ce qui peut être l'attachement à un lieu, d'un côté, mais de la reconnaissance aussi symbolique de ce qui peut être avoir été à un moment pris dans un... J'allais employer la notion de victime, mais elle me pose beaucoup de questions. Dans la demande d'une reconnaissance symbolique, il y a quelque chose d'une action qui n'est pas simplement une logique de victimisation et qui me semble... Comment dire ? Dans cette reconnaissance symbolique, il y a quelque chose qui sort simplement de l'imposition de la situation. Et qui est une réponse qui n'est pas simplement une réponse par la monétarisation ou le dédommagement. C'est tout ce qu'on voit autour du travail de Stéphane Maté sur AZF ou d'autres. Il y a quand même une logique qui est une logique éminemment de reconnaissance. Il y a des gens qui... C'est tout l'attachement des gens au pénal. Oui, c'est pas un attachement à de l'argent. Enfin, tout le procès Eternit récent sur Turin, c'est véritablement ça. Sachant que Eternit Turin, aucun argent n'a été versé. Et,